Ok, ce n'est que le début. 976, tout son but. Je suis armé jusqu'au temps, condamné à se battre. Je serre les dents, condamné à vivre et mourir. Et je tiens le cuivre des sous, je donnerai des coups. Et je resterai debout, même si la haine est qu'elle me donne le vertige et je cracherai ma haine. Je reviens mettre les choses claires, c'est clair que la serre minutieuse tous les jours. La vie nous met des grosses pofs, n'est pas pour autant qu'on doit se scotcher avec des agrafes. Enfermé comme un lâche, ici c'est la dèche. Repose-toi la question, tu trouveras la réponse. Point, vas-y, fonce, et suis la cadence. Mets-toi à l'abri, ne fais pas semblant. Frôle que t'avances, ici ça pisse trop. Le sang des innocents, ça pue la fin du monde. C'est tragique, on reçoit les symptômes dans le tiers monde. On m'a dit que je suis qu'un négro, c'est vrai, je le négro. Je suis qu'un bonhomme, et je reste dans les normes. Je prête de la forme, pour ça je te dégomme. Je garde la paix, je sais pour les gars du bitume. On m'a dit je suis qu'un négro, c'est vrai, je le négro. Je suis qu'un bonhomme, et je reste dans les normes. Je prête de la forme, pour ça je te dégomme. Je garde la paix, je sais pour les gars du bitume. Et j'ai une raison d'amener mon rap à la raison. Mon rap dans le bon sens, nous maîtrisons. Le rap n'est pas mort, les jaloux ont tort. Parce qu'on fait du lourd et ça vient chez nous. Ici ou ailleurs et c'est pas la même. Et d'ailleurs mon père a traversé le macadamer. Donnera pas son âme et c'est de la haute gamme. J'suis dans le game et j'suis pas prêt à partir. Et compte pas sur moi pour salir ma réputation. Et ensuite la nettoyer au glacière. Compte pas sur moi pour partir. Même si tu m'amènes un bulldozer, je suis sincère comme dans le vrai. Je suis jamais vénère, je reconnais mes torts et je tords. Une question, sa réponse, nigga. Je chante ou je rappe, j'attaque ou je contre-attaque. Y'aura pas la même technique, nigga. On m'a dit que je suis qu'un négro, c'est vrai, je le négro. Je suis qu'un bonhomme, et je reste dans les normes. Je prête de la forme, pour ça je te dégomme. Je garde la paix, je sais pour les gars du bitume. On m'a dit que je suis qu'un négro, c'est vrai, je le négro. Je suis qu'un bonhomme, et je reste dans les normes. Je prête de la forme, pour ça je te dégomme. Je garde la paix, je sais pour les gars du bitume. Seul contre tous, et seul dans la course. Un jour j'arriverai, je manœuvre mon navire. Seul sans les matelots, seul j'arriverai. Représenter les Maorés dans le rap français. Avec les vitres teintées, la carrosserie blindée. Vite et les balles perdues s'étendues, j'attendu à l'arrivée. Et chaque jour je me rapproche, petit à petit et je m'accroche. La sincère nous fait payer le prix fort. Et nos petits frères sortent sans les gilets pare-poils. Peu importe la manière, tu me verras pas dans des chorales. Ce qui paraît le rap est sale, et personne ne s'en sort avec elle. Je pense, j'avance, j'espère que je suis dans le bon sens. Apparemment c'est juste une question de mental, nigga. On m'a dit que je suis qu'un négro, c'est vrai, je le négro. Je suis qu'un bonhomme, et je reste dans les normes. Je prête de la forme, pour ça je te dégomme. Je garde la paix, je sais pour les gars du bitume. On m'a dit que je suis qu'un négro, c'est vrai, je le négro. Je suis qu'un bonhomme, et je reste dans les normes. Je prête de la forme, pour ça je te dégomme. Je garde la paix, je sais pour les gars du bitume.